que la seule valeur qui vaille dans cette fin de millénaire, c'est la monnaie, la mitraille, le fric, le pèse, le numéraire, les avoirs et les pépettes, la fortune, la grosse galette, le flouze et les picaillons, le capital et le pognon. Dans ma grande naïveté, une question me préoccupe, la nouvelle pauvreté. Faut nous dire combien ça coûte, un kilomètre d'autoroute, Superphénix réformé, un grand stade à footballer. Combien ça coûte une famille, pour qu'elle survive une année, juste en bouffant des lentilles et en payant son loyer. Combien ça coûte la souffrance, combien ça pèse la détresse, combien ça coûte l'indigence dans notre beau pays de France. Oui, dites-moi combien ça coûte un char Leclerc, un exocète, un joujou de chez Dassault, un TGV supersonique, un cocktail ministériel, les grands travaux présidentiels. Combien ça coûte le prestige, combien ça coûte l'indifférence. La la la, la la la la, la la la la la. Valeur qui vaille dans cette fin de millénaire, c'est la monnaie, la mitraille, le fric, le pèse, le numéraire,